Et puis, et quelques jours correspondant après le début de l'enquête, quelques jours après ce meurtre, reprises, quelqu'un a écrit d'abord à notre confrère François, mon maître Barnaud, François. Le correspondant a également envoyé un certain nombre d'objets comme preuve de son crime, en particulier un briquet qui a été retrouvé dans un café du soir des innocents. Le café où Simon Barnaud a donné son dernier coup de téléphone. D'autres lettres sont arrivées et cette femme, voiture m'a su à ce moment-là. Et j'ai d'ailleurs autour de moi un certain nombre de personnes qui semblent attendre quelque chose. Cette femme m'a envoyé des preuves. Elle a tout d'abord envoyé l'imperméable de Simon Barnaud. Parvenir cet imperméable à la police.